Treizièmement, et les glaives s'étaient éclipsés. L'ange dit, « Qu'êtes-vous ? » Et le groupe à ses pieds répondit, « Roi et maître de tous, du droit de nos ancêtres. »« Roi, vous êtes les rois, vous n'êtes pas les maîtres, » dit l'ange. « Allons, venez, c'est l'heure, arrivez tous. » « Voilà donc enfin, prince, d'où sortez-vous ? » ?»« Ô prince, vous sortez, et je vais vous le dire, des forfaits, des fureurs, du meurtre et du délire, des deuils, des faux serments dont l'homme était perdu, et du sang innocent à grands flots répandu. Vous sortez des palais qu'habite la démence, des festins, des charniers, et de la plaine immense du monde entier criant vers le haut firmament. Roi, l'homme n'est pas fait pour votre amusement. Roi, la terre est un temple et non pas une étable. Le tyran, dans l'orgie, accoudé sur la table, commande au crime et Dieu commande au châtiment. Prince, avant que Dieu regarde froidement tout ce sang qui ruisselle autour de vos armures, les astres tomberont comme des figues mûres qui tombent d'un figuier secoué par le vent. Ô roi, qui massacrez sous l'œil du Dieu vivant, la voix du genre humain contre vos fronts s'élève. Plus nombreux que les flots gémissants sur la grève, les morts auprès de Dieu, roi, vous ont précédé. Ôtez votre couronne, accusé, répondez. Tous ces crimes abjects, mêlés aux vices immondes, les avez-vous commis ?